je pense encore à lui, comme un regard que l'on oublie et qui revient chaque nuit. Un drame se dessine sous les regards, y'a toi et les autres à qui la faute. Si je sème au vent tous les mots à fleur de sang, si je saigne au sang, c'est pour que tu fléchissent sous la côte, même quand je n'ose plus, que les combats sont tous.